Il y a 2 ans, l'épidémie de Covid-19 débutait en Chine. Depuis 2 ans, s'adapter à l'évolution du coronavirus et à sa propagation est devenu le lot quotidien des sociétés humaines à travers le monde. Dans ce contexte bouleversé, France Culture et Arte s'associent pour poser une question qui tient en 2 mots, et maintenant. Une question qui incarne la nécessité de composer avec un présent mouvant et de continuer à penser l'avenir. Au cœur de cette nécessité et de cette tension, quelle place nouvelle a été accordée dans notre société au savoir scientifique et à sa transmission? Et comment la recherche et la méthode scientifique peuvent-elles être marquées par cette situation d'urgence qui dure? La recherche en quête de transmission, c'est notre programme ici et maintenant. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nous sommes en public. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints à la maison de la radio pour cette émission avec laquelle nous parlerons de coronavirus, bien évidemment, en compagnie de Barbara Stiegler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université Bordeaux-Montaigne, vice-présidente du comité d'éthique du CHU de Bordeaux et membre du conseil de surveillance de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Et vous êtes par ailleurs l'autrice du tract 2 de la démocratie en pandémie et de Nietzsche et la vie, tous deux parus aux éditions Gallimard. Nous sommes également avec Caroline Tour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste science et santé pour le magazine Le Point et nous sommes enfin en compagnie de Jean-François Delfrécy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes immunologiste, président du conseil scientifique Covid-19 et président du comité consultatif national d'éthique. Alors Jean-François Delfrécy, il est difficile de démarrer cette discussion sans faire un point sur la situation la plus présente dans laquelle nous nous trouvons. Un nouveau variant du SARS-CoV-2 est apparu, le variant baptisé Omicron, qui suscite pas mal d'inquiétudes. Et des questions. À ce jour, que sait-on de ce variant? Alors, l'arrivée de ce nouveau variant illustre bien d'ailleurs finalement les relations entre science et société dans une certaine mesure, puisque vous avez vu que tout est sorti des scientifiques sud-africains. Ce n'est pas sorti des autorités sanitaires sud-africaines, mais des scientifiques eux-mêmes qui ont considéré qu'il y avait un signal suffisamment important pour qu'il soit partagé par l'ensemble de la communauté mondiale. Écoutez, ce variant est un variant qu'on attendait et qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire, c'était l'idée qu'on ait un variant qui soit peut-être plus transmissible et qui soit peut-être un variant en partie échappant au vaccin. C'était cet animal bizarre qu'on évoquait et en se disant pourvu qu'on le voit pas. Alors, est-ce que c'est vraiment ce variant qui est arrivé là maintenant? Je ne sais pas et on est dans l'autre point qui est l'incertitude et comment on fait du conseil scientifique alors qu'on est dans l'incertitude. Disons qu'il arrive en Europe dans des conditions très différentes de l'Afrique du Sud, puisqu'on est en même temps dans la 5e vague, c'est-à-dire que l'Europe est dominée très largement, et à Paris en particulier, mais en France aussi, mais dans l'ensemble des pays européens, par une explosion des nouvelles contaminations liées au variant Delta. Alors qu'en Afrique du Sud, il s'est développé tout seul. Le Delta avait quasiment disparu, et on était dans un contexte très différent. Donc ce variant va arriver, il va mettre probablement, en tout cas c'est notre idée, un peu de temps pour s'installer. Donc la temporalité de la 5e vague, qui est l'enjeu essentiel, là, immédiat, pour nos concitoyens, et de l'arrivée de ce variant est dans une temporalité légèrement décalée, probablement de plusieurs semaines. Est-ce qu'il est vraiment un variant d'échappement au vaccin? On ne le sait pas encore. Il va nous falloir une quinzaine de jours au moins pour regarder ce qu'il en est. De toute façon, ça ne sera pas blanc ou noir. Ça sera probablement, s'il y a une diminution d'efficacité des vaccins, une diminution de, mettons, 50-60%. Il restera une efficacité des vaccins. Est-ce qu'il va échapper aux anticorps monoclonaux qui sont maintenant disponibles en partie? Par contre, il restera sensible aux nouveaux médicaments, aux nouveaux antiviraux que nous avons. Donc, voilà, il faut qu'on le surveille avec une attention particulière. Il est dans un temps qui est différent de celui de la 5e vague, mais c'est même combat. Mmh. C'est-à-dire que la seule façon pour s'en sortir de la même façon que pour la 5e vague, c'est le rappel vaccinal. C'est le rappel vaccinal. Pourquoi ? Parce que ce rappel permet de multiplier par 8 ou 10 la réaction immunologique des individus qui le reçoivent, ceci dans un temps relativement court, avec une efficacité au bout de quelques jours. Et donc, cette augmentation de la réponse immunologique, elle est bonne, entre guillemets, pour réagir contre le variant Delta. Elle sera probablement bonne aussi contre ce nouveau variant Omicron. Alors, dernier point, est-ce qu'on va être capable, les grands laboratoires, de fabriquer de nouveaux vaccins? Oui, ils sont déjà en route. Déjà, certains ont été testés, entre guillemets. Et on va regarder s'ils ont une activité d'inhibition contre ce nouveau variant. Et la mise au point de nouveaux vaccins dédiés contre ce nouveau variant, il la fixe à 100 jours. Cela dit, il faut être prudent, parce que 100 jours, c'est pour mettre au point un vaccin, c'est pas forcément pour qu'il soit opérationnel. Donc, beaucoup d'incertitudes, ça reflète finalement ce qu'a été cette crise jusqu'à maintenant. Beaucoup d'humilité pour les scientifiques, entre guillemets. On peut se tromper, on se retrompera, et puis on peut ne pas se tromper également. Et surtout, je dirais, même combat, et là, le vrai combat en ce moment, c'est la cinquième vague. Vraiment, je le pense profondément. Et c'est la réponse, c'est on se vaccine, et en particulier chez les plus de 50 ans et chez les personnes les plus fragiles. Vous le dites, Jean-François Delfraissy, on est dans la cinquième vague qui tourne principalement autour de ce variant Delta. Cinquième vague, deuxième, troisième variant Delta, trois ans, bientôt on entame la troisième année d'épidémie. Quelles leçons ont été tirées quand même de ces trois dernières années, de ces deux dernières années, de ces cinq dernières vagues? Écoutez, c'est... Moi, je suis encore beaucoup dans l'opérationnel. Donc, tirer des leçons alors qu'on est dans l'opérationnel, c'est toujours compliqué. Néanmoins, on voit bien, la réactivité a complètement changé. Regardez le flou dans lequel on était en février 2020 ou début mars 2020 pour prendre des décisions extrêmement difficiles qui ont été prises par le gouvernement à l'époque et auxquelles on a contribué dans une certaine mesure. Puis regardez la réactivité en moins de 7 jours par rapport à la description de ce variant. On a déjà une série de décisions, de mesures, de pensées sur comment faire face à ce nouveau variant. Donc cette pandémie, d'un point de vue de la relation entre science, politique et société, elle, à mes yeux, elle imprime deux choses très, très importantes. Une forme d'agilité, de fluidité, et une forme aussi d'humilité. J'insiste vraiment là-dessus. Après, c'est complexe, parce que par rapport aux citoyens, et c'est un débat qu'on aura probablement, moi je suis issu, je suis un bébé SIDA, donc j'ai été construit dans la construction de la relation entre la médecine et le patient qui est au premier lieu de notre préoccupation. Et comment cet effet de démocratie sanitaire n'est pas tout à fait au rendez-vous de cette crise? Parce que ça va très vite. Regardez comment, en moins de quelques jours, on est obligé de prendre un certain nombre de décisions. Le tout, c'est de jouer la transparence absolue et de dire les choses. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, ce matin, le Conseil scientifique a souhaité avoir un point presse justement sur ce nouveau variant. Caroline Tourbe, vous traitez, vous suivez l'actualité du coronavirus. Est-ce que ce nouveau variant-là inquiète d'une certaine façon moins, et d'une certaine façon moins médiatisée ou d'une façon plus raisonnable que le précédent, le variant Delta ? C'est compliqué de répondre à ça parce que, en fait, on se retrouve un peu toujours dans la même lessiveuse. On est toujours dans les médias face à une demande à la fois des lecteurs, des différentes directions pour donner de l'information et toujours dans cette position en tant que journaliste scientifique de pouvoir dire et d'être entendu, écoute, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne peux pas répondre. Je peux faire un papier qui explique ce qu'on ne sait pas, mais pour l'instant, je ne peux pas faire un papier qui expliquerait des choses qu'on ne sait pas encore. Donc cette temporalité entre le temps de l'info, le temps de la science, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été acquises. C'est vrai qu'au tout début, moi, je suis arrivée au point il y a 2 ans. Donc, si monsieur Delfraissy, professeur Delfraissy, est un bébé SIDA, moi, je suis un bébé coronavirus, parce que je suis arrivée pratiquement en même temps que le début de l'épidémie dans la rédaction. Je venais d'une rédaction qui était une rédaction de vulgarisation scientifique. J'étais à Science et Vie avant. Donc, je suis arrivée dans une rédaction très généraliste, où je me suis retrouvée face à des gens qui ne connaissaient vraiment pas les sujets de maladies émergentes, de virus. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée face à des gens qui avaient de plus en plus de questions, parfois très pertinentes, sur l'épidémie, sur les virus. Et donc, il fallait répondre à tout un flot de questions, tout en ayant, moi, conscience que quand je me retournais pour avoir des sources scientifiques, notamment, ben, ce qui m'était envoyé, c'était « pour l'instant, on ne sait pas », ou « cette chose-là, on peut la dire, celle-ci, on ne peut pas », enfin voilà, qui étaient des choses. Et il a fallu expliquer à la fois aux lecteurs, c'était très intéressant, des choses très complexes. Et il y avait un appétit de complexité depuis 2 ans pour la science que moi, je n'avais jamais connue auparavant. Toutes les années où j'ai pu travailler à Science et Vie avant, où j'ai pu même faire de la vulgarisation scientifique dans des titres à plus large audience, on était toujours confrontés à... On nous renvoyait un peu, justement, on avait un peu peur de la complexité. Et là, je trouve qu'il y a eu une vraie demande d'avoir des informations, en tout cas complexes, poussées, d'aller loin dans l'explication, avec une demande à la fois des lecteurs et puis des directions de journaux. Voilà. Barbara Stiegler, il y a 2 choses qui ont été évoquées à l'instant, cette notion d'incertitude qui est propre à la science. Parfois, les scientifiques disent « on ne sait pas » et ça fait partie de leur métier. Et la question des différentes temporalités, on va peut-être traiter de cette question des temporalités, de la collision des temporalités entre la temporalité politique, la temporalité scientifique, la temporalité médiatique. Comment vous, est-ce que vous avez perçu, relevé ces collisions-là et comment vous les analysez en tant que philosophe spécialiste de biologie et du rapport entre biologie et politique ? Je vais vous répondre par l'engagement qui a été le mien, puisque en fait, je me suis rapidement engagée dans cette crise. J'ai pris des risques et je continue à en prendre. La première manière dont je me suis engagée, c'est à travers l'écriture d'un texte que vous avez mentionné, un livre chez Gallimard qui s'appelle « De la démocratie en pandémie » et qui est sous-titré, je tiens énormément au sous-titre, « Santé, recherche, éducation ». Dans ce livre, nous avons analysé, je dis « nous » parce que je ne l'ai pas du tout écrit toute seule, je l'ai écrit avec... un ensemble de chercheurs en santé publique, de soignants, d'acteurs de cette crise, des gens qui pouvaient intuber dans les services Covid, des gens qui pouvaient être des agents de la vaccination, qui organisent la vaccination à Bordeaux, là où je travaille. Et nous avons donc, nous nous sommes engagés pour essayer de penser les effets de cette crise sur la santé, évidemment, qui est notre obsession, c'est notre problème hein, dans ce travail, sur la recherche, donc sur la science, et sur l'éducation, la formation. Donc, je suis particulièrement heureuse d'être ici, puisque c'est exactement le sujet de cette table ronde. Donc, nous nous sommes engagés avec, chevillé au corps, une immense inquiétude devant les premiers effets de cette crise, inquiétude qui ne nous a pas quittés. Alors, je ne vais pas déployer ici les conclusions de ce tract, parce que tout le monde peut les consulter en librairie, mais je voudrais expliquer quel a été mon engagement par la suite, parce que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en parler sur la radio publique depuis 1 an. Donc ensuite, nous nous sommes engagés sur la question de la vaccination. Nous sommes engagés avec des gens qui, j'insiste, vaccinent tous les jours, conseillent à leurs patients la vaccination, organisent la 4e dose en ce moment, puisque je travaille avec des patients immunodéprimés, notamment avec mes soignants, et puis avec des gens qui, j'insiste, pensent comment on organise la vaccination sur place, en un lieu, quelle est la bonne stratégie de santé publique à adopter. J'insiste pour désactiver tout procès en antivaxisme qui m'ont malheureusement été fait dans la presse. Donc avec ces personnes-là, on s'est engagé et on a publié 2 tribunes. Une première tribune qui est disponible sur Mediapart, j'espère encore, qui s'appelle « Extension du pass sanitaire aux enfants ». Les des soignants et des chercheurs sonnent l'alerte. Dans cette tribune, nous nous sommes beaucoup appuyés sur un avis du Comité consultatif national d'éthique, présidé justement par Jean-François Delfraissy, un avis du 9 juin, que j'encourage vraiment tout le monde à consulter. C'est un texte compliqué, lisible, compliqué à lire parce qu'il est un peu long, mais c'est vraiment un texte très important qui a été totalement laissé de côté par le monde médiatique et politique. Et c'est vraiment un problème grave. Donc dans cet avis du 9 juin, il est notamment dit que le comité a été, mais Jean-François Delfraissy complétera, a été saisi par le gouvernement un peu tard, puisque le gouvernement avait déjà pris sa décision, pour étendre la vaccination tous azimuts aux enfants de plus de 12 ans. Et le comité disait sa difficulté face à ça, puisque il y avait des premiers cas de myocardite et de péricardite pour les jeunes, en particulier les garçons de 15 à 25 ans. Il y avait des problèmes des hospitalisations post-vaccinales, parce qu'il y avait une utilisation du consentement qui n'allait absolument pas, c'est-à-dire une sorte de deal. Si tu veux reprendre ta vie normale, et il y a eu une campagne sur Skyrock, la radio Skyrock, absolument calamiteuse. C'est Skyrock qui a passé un... Enfin, le ministère de la Santé a passé un accord avec la radio Skyrock. Si tu veux reprendre ta vie normale, t'arrêtes de te poser des questions, tu te fais vacciner, et tu pourras t'amuser avec tes amis, sortir, etc. Ce que disait le comité, c'est que c'était probablement une fausse promesse, et qu'on allait donc demander aux jeunes de s'inoculer ce produit. Pas tout à fait sûr. La pleine sécurité, c'est écrit dans la vie, hein, n'est pas assurée pour ces vaccins pour les adolescents. Et pour ensuite leur faire découvrir que non, il faut qu'ils préservent les gestes barrières, ils peuvent pas reprendre la vie normale, et pourquoi pas même un reconfinement. Donc qu'est-ce que ça produit ? Ça produit la perte de confiance dans les institutions, c'est exactement ce que dit cet avis. Nous nous sommes appuyés sur cet avis, mais aussi sur l'avis des experts britanniques, hein, sur la vaccination des mineurs, ils y sont très opposés. Boris Johnson s'est assis sur leur avis en imposant la première dose, pas la deuxième parce qu'il ne veut pas porter la responsabilité des myocardites et compagnie. Donc nous nous sommes appuyés sur beaucoup d'expertise ou de réflexion scientifique et éthique de haut niveau pour dire attention, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on a recueilli des belles signatures, hein, des gens importants en santé publique, et on a publié ça dans Mediapart, vous pouvez le lire. Deuxième chose, et puis je m'arrêterai là pour l'instant parce que j'ai parlé longtemps, mais la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on ne s'est pas arrêté en si bon chemin, parce qu'on était en pleine bataille parlementaire contre le pass sanitaire, nous nous sommes engagés contre. Et nous avons en fait dénoncé la politique de vaccination tous azimuts comme une politique aberrante qui conduit en fait à ce que la France soit aujourd'hui capable d'afficher les plus hauts records de vaccination en Europe, peut-être même dans le monde. Donc voilà, le président de la République peut pérorer avec de magnifiques chiffres de vaccination. Sauf que quand vous regardez les chiffres, ceux qui sont hyper vaccinés, et maintenant ils se jettent sur la troisième dose, ce sont les plus jeunes qui ont quasiment aucun risque d'avoir des formes graves, qui continuent à contaminer leurs grands-parents avec le faux sentiment de sécurité en se jetant sur eux, comme l'encourage à le faire le spot de santé publique, hein, qui vous dit « vaccinez-vous, vous pourrez retrouver des gestes tendres avec vos proches et vos grands-parents ». Donc vous voyez, donc, des fausses nouvelles, hein, des fausses annonces qui ont été dénoncées évidemment par beaucoup d'experts, mais tout de même. Et la réalité, c'est que pendant ce temps, les gens les plus fragiles, pour lesquels ce vaccin est vraiment extrêmement plus qu'utile, vraiment une véritable protection, puisqu'on a une partie des gens à risque qui sont vraiment bien protégés par ce vaccin, eh bien, une grande partie d'entre eux reste sans protection. Et en France, on a les pires chiffres d'Europe de l'Ouest. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas vers les gens. Alors si, il y a, moi je le sais sur le terrain, il y a des militants, il y a des gens dévoués qui vont essayer d'organiser des choses, il y a des maires, il y a des soignants, vous voyez ? Mais les pouvoirs publics misent sur le numérique, les plateformes, les effets d'annonce sur les médias, la peur, tout un cocktail qui est en fait délétère en santé publique. Donc nous nous sommes vraiment engagés de cette manière. Et malheureusement, j'ai essuyé toutes sortes de procès en anti-vax, etc. Tout a été structuré dans une discussion où soit vous étiez pour la santé et donc vous étiez pour les vaccins tous azimuts, soit vous étiez dans un rapport critique, rationnel, intelligent à la chose, et vous étiez immédiatement suspecté d'être anti-vax ou complotiste. On va revenir bien sûr sur cette notion de division de la société entre deux camps, les bons, les mauvais, mais avant ça, j'aimerais entendre la réaction de Jean-François Delfraissy à ce que vous venez de dire. Donc, écoutez, moi je ne suis pas là ici pour polémiquer, je suis là pour donner de l'information. Un certain nombre de remarques qui ont été faites sont vos remarques. Il y a beaucoup d'inexactitudes dans ce que vous avez dit. D'abord sur le CCNE, donc je sais exactement ce qui a été écrit. Le CCNE n'était pas opposé à la vaccination, c'est les adolescents, mais émettait un certain nombre de recommandations en disant « attention, c'est pas aussi simple ». Et c'est ce que nous avons dit. Le résultat est que la France est actuellement à peu près avec 78% des adolescents qui se sont vaccinés. Ce n'est pas le seul pays. Hein. Il y a d'autres pays qui sont à la fois en Europe et aux États-Unis qui ont eu ce large taux de vaccination. Puis d'autres pays, par contre, ont eu un niveau de vaccination qui a été plus faible. Le deuxième élément, c'est sur la vaccination en population générale. La France est intermédiaire, hein, en termes de vaccination. On est à 77% de population adulte. Il y a des pays qui font mieux, l'Espagne fait mieux, l'Italie fait mieux globalement, UK fait mieux également, et puis il y a des disparités bien sûr entre jeunes et personnes âgées. Et là, pour des raisons diverses, complexes, hein, nous avons en effet un certain nombre de personnes âgées de plus de 80 ans en particulier, autour de 500 000 à peu près maintenant, qui ne sont pas vaccinées en termes de primo-vaccination. Hein, ça, c'est une réalité. À l'inverse, on a un niveau de vaccination chez les 50-65 ans, chez les 65-75 ans, qui est de très bonne qualité. C'est peut-être là où se jouent les choses. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut calmer le jeu. Calmer le jeu. Hein. C'est les citoyens qui calment le jeu. C'est les citoyens qui finalement prennent leurs décisions. Il n'y a pas eu d'obligation vaccinale. Hein. Il y a eu, certes, avec le pass sanitaire, une forte incitation à se faire vacciner, mais c'est probablement la raison pour laquelle on se trouve dans une situation où j'espère qu'au niveau de la cinquième vague, il y aura cet équilibre entre un grand nombre de contaminations et un nombre, j'espère, relativement limité et de conséquences pour le système de soins. Donc je pense qu'il faut, voilà, bien sûr, nous sommes en démocratie, l'ensemble des opinions doit être entendu et écouté, mais nous sommes aussi dans une crise sanitaire, et à un moment donné, il faut savoir, en tout cas pour les décideurs, ce qui n'est pas le cas du tout du Conseil scientifique, c'est pas nous qui décidons, hein. C'est le gouvernement qui prend les décisions, et c'est aux politiques de les prendre, hein. Mais il faut savoir aussi prendre un certain nombre de décisions. Donc, je persiste et signe, et considère qu'actuellement, un des moyens les plus efficaces de la lutte contre la cinquième vague est possiblement, et je ne sais pas, avec beaucoup d'incertitudes sur le nouveau variant, c'est d'arriver à un niveau de rappel qui soit relativement important en touchant, comme je l'ai d'emblée exprimé, essentiellement les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les personnes de plus de 50 ans et qui ont des facteurs de risque, puisque sont elles, en effet, qui sont en première ligne. Malheureusement, cette maladie est profondément injuste, comme d'ailleurs souvent des maladies, elle touche les populations les plus fragiles et évidemment les plus sociétalement défavorisées. J'aimerais qu'on revienne quand même à cette question que je vous ai posée, Barbara Stiegler, que je vais vous poser à toutes les deux, Caroline Tourbe d'abord, puis Barbara Stiegler, cette question du heurt, de cette collision entre les différentes temporalités et de ce que ça fait à la recherche scientifique, à sa diffusion, à sa transmission. Caroline Tourbe, comment est-ce que vous, en tant que journaliste scientifique qui avait une position un petit peu extérieure et à la temporalité médiatique et à la temporalité de la recherche, vous avez perçu cette confrontation entre ces trois blocs-là et cette articulation parfois un petit peu délicate. Voilà, qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, comme conclusion ? J'en ai retiré comme conclusion que il valait mieux se donner le temps, parce que j'ai vécu personnellement des expériences où j'ai fait le choix de ne pas écrire sur certains sujets, parce que je n'avais pas d'informations. Avec le recul, je me dis qu'il y a quelque chose que la presse a beaucoup fait ces dernières années, qui est le fact-checking, c'est-à-dire de passer son temps à vérifier des informations ou des choses qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est comme une course à l'échalote, c'est-à-dire que vous allez passer votre temps à essayer de rétablir des faits, mais c'est un puissant fond, en fait. Ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Donc, par exemple, au point, il n'y a pas de service de fact-checking comme il peut y en avoir dans d'autres médias. Alors, c'est pour plusieurs raisons. C'est aussi pour une raison d'effectif. On n'a pas un effectif qui permet d'avoir des gens qui feraient ça. Mais il y a aussi, je pense, et en tout cas dans le service sciences santé auquel j'appartiens, l'idée que, on va faire des choix. C'est notre travail de journaliste de choisir des angles, de choisir des sujets, de les traiter, de faire en sorte que ces articles qui sont publiés ou sur le print ou sur le web, quand ils sont publiés, l'information, elle est vérifiée, elle est croisée. Donc, on fait en sorte que ce soit ça, l'information. Et si ailleurs il y a des choses qui circulent et qu'elles ne sont pas vérifiées, ça ne va pas être notre boulot de tout vérifier. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il a fallu faire des choix, le choix de faire des angles, le choix d'avoir des intervenants, de savoir que quand les choses sont très complexes, on peut en effet demander à avoir un peu plus de temps pour croiser, pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi en temps réel. Donc c'est ça que je retiens. Essayer de ne pas tout le temps courir après notamment après les fausses informations ou quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Qui ont je crois que la presse, aussi. En fait, et surtout la presse que je dirais classique, qui peut être traitée de mainstream si on veut, mais en tout cas, elle, son boulot n'est pas là. Mmh. On ne peut pas faire ce boulot-là. Les réseaux sociaux sont avec une diffusion permanente de choses qui s'auto-nourrissent, qui s'auto... Donc voilà, le travail, c'est ça, c'est de trouver de l'information, la vérifier, la publier. Barbara Stiegler, un peu la même question que tout à l'heure, mais aussi sur ce changement de notre rapport collectif au savoir scientifique et à ce rapport à l'urgence, en fait. Qu'est-ce que ça fait à la transmission du savoir scientifique, ce rapport à l'urgence permanente ? Bon, je vais vous dire, moi, depuis mon lieu d'observation, hein, moi, je peux vous parler que depuis ma petite perspective locale et provisoire. Moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, c'est donc l'argument de l'urgence, qui est en fait pas un argument tout à fait nouveau. Depuis le tournant des années 2000, on est tout le temps en urgence. Urgence terroriste, urgence écologique, urgence crise financière, urgence, vous voyez, c'est une urgence qui dure. Ça participe d'une accélération. Voilà, aussi. Comme vous disiez, c'est une urgence qui dure. Les maladies émergentes, ça fait des années que les gens qui connaissent la santé publique alertent la société sur le fait qu'elles vont arriver et qu'elles vont se multiplier. Donc, si vous voulez, ce régime d'urgence, malheureusement, on est en train de comprendre que ça n'est pas pour quelques mois. Hein. On nous a raconté qu'on allait être enfermé quelques semaines et que ce serait fini, qu'on allait être double vacciné et puis qu'ensuite ce serait fini, que ce serait le retour à la vie normale. Je suis pas sûr que tout le monde ait dit qu'après ce serait fini. C'est peut-être... Il y a eu cette petite musique. Hein. Moi, j'entendais sur les plateaux parce que j'écoutais énormément les médias et en particulier les chaînes d'information continue, non pas pour mon plaisir, mais parce que c'est aussi mon matériau de travail. Et on entendait en permanence qu'il fallait absolument que tout le monde se vaccine. Comme ça, on en aurait fini et on reviendrait à la vie normale, etc. Donc, ce qui s'est installé comme petite musique, c'est nous sommes dans une urgence, c'est tout à fait exceptionnel, et donc il faut avancer, il faut décider, on y va, on n'a pas le temps de palabrer et de respecter la démocratie en général et la démocratie sanitaire en particulier. Je crois que c'est quelque chose d'absolument délétère, c'est complètement faux. De toute façon, en médecine, on est constamment habitué à vivre en régime d'urgence, à des régimes d'urgence plus ou moins accélérés, et on est pour autant pas fondé à s'asseoir sur la démocratie. D'ailleurs, la crise du sida à laquelle Jean-François Delfraissy faisait allusion, c'est précisément d'elle qu'est née l'idée de la démocratie sanitaire. Pourtant, la crise du sida était une crise terrible, redoutable, mais qui a obligé les acteurs, aussi par la force des patients et des associations de patients, à ce que les pouvoirs publics et les scientifiques écoutent d'autres perspectives que la leur. Donc, non, plus que jamais, la démocratie est nécessaire quand il y a des problèmes. Plus que jamais, quand il y a urgence, il faut la démocratie. Mais encore faut-il s'entendre parce qu'on entend par démocratie. Et j'ai pas le temps de déployer ici toutes les implications de ce terme, mais une des implications fondamentales, c'est le respect de la science, c'est le respect de la rationalité, c'est le fait de considérer qu'a priori, les citoyens sont plutôt rationnels que complètement irrationnels et toujours prêts à faire les mauvais choix. Parce que quand on part sur l'idée que les citoyens sont une masse de personnes irrationnelles qu'il faut manipuler par des techniques d'incitation, etc., on va dans le mur politiquement. Donc il faut, au contraire, respecter la rationalité des citoyens, la postuler à la limite, se dire qu'on a plutôt affaire dans nos pays à des gens éduqués, intelligents, il faut s'adresser à leur intelligence, il faut leur dire les choses, ça a été dit tout à l'heure, en toute transparence. Par exemple, j'y reviendrai sur le traitement des effets indésirables des vaccins et des effets indésirables graves. Il y aurait beaucoup à dire sur l'espèce d'omerta qui s'est abattue sur toute une série de problèmes. C'est absurde, parce que ça nourrit les soupçons, ça nourrit la peur, et le déni n'a jamais été une solution, pas plus dans les familles que dans un pays. Donc il faut donc effectivement respecter la rationalité des citoyens, et il faut aussi respecter la science. C'est-à-dire que la science, ça n'est pas un distributeur de doctrine sanitaire. La science, c'est une arène fragile, complexe, dans laquelle les gens sont en désaccord, dans laquelle il y a des hypothèses plus ou moins étayées qui s'affrontent. Et donc, c'est quelque chose de délicat et de fragile, qu'il ne faut pas brutaliser de cette manière. Donc, il faut, par exemple, c'est tout à fait normal qu'on ait aujourd'hui, par exemple, des débats sur les variants. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des nouveaux variants ? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir à un moment un variant qui va tous nous tuer ? Est-ce que c'est la théorie de l'évolution qui dit que les virus varient et que plus ils varient, plus ils sont contagieux, moins ils sont mortels ? Ce genre de questions se posent dans la communauté scientifique. Posons-la tranquillement. Au lieu de cela, nous avons une transformation au nom de l'urgence de ces discussions en une série de doctrines qui sont assénées sur le mode, alors on parlait d'humilité tout à l'heure, mais vraiment avec un manque d'humilité indécent, du genre par exemple, nous allons, avec notre passe sanitaire, créer des sanctuaires anti-Covid, nous a-t-on raconté. C'est pourquoi vous êtes obligés de vous vacciner, parce que sinon vous nous empêcherez de constituer les fameux sanctuaires, alors qu'Israël avait dit que la promesse du Green Pass était finalement pas remplie et que c'était une fausse sécurité, et qu'en réalité on avait des clusters dans les endroits où tout le monde entrait avec passe sanitaire et enlevait les gestes barrières. Donc vous voyez, cette humilité dont il a été question, qui est si fondamentale, ce respect de la parole d'autrui, cette capacité à douter, plus que jamais quand on traverse une crise, doit être de mise. Or, on a affaire malheureusement à des pouvoirs, ça dépend des pays, mais dans certains pays, et en particulier dans le nôtre, qui, plus que jamais, ont concentré la décision, la vérité, avec un V majuscule, dans la bouche d'un seul homme, qui par ailleurs n'a aucune formation scientifique. Je pense au président de la République. Il n'a aucune formation scientifique, aucune notion de médecine. C'est aberrant. Deux éléments quand même. Je vous posais une question sur la production et la transmission du savoir scientifique. Vous répondez, et c'est votre droit, sur la politique sanitaire, mais à mon sens, ce sont deux choses très différentes. En revanche, ce que ça illustre, et ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que la science est tombée dans un fossé assez ambigu entre savoir et opinion. Jean-François Delfraissy, comment est-ce que vous percevez le fait que maintenant, un savoir scientifique, un fait scientifique, suscite des réactions d'opinion, et comment ça, on peut finalement... comment on peut l'analyser déjà, et quel danger ça peut provoquer ? Alors, d'abord, c'est pas uniquement le Covid, comme toutes les grandes crises, qu'elles soient sanitaires ou autres. Bien sûr, ça exacerbe un certain nombre de situations. Lors des états généraux de la bioéthique, qui étaient dans le premier semestre de 2018, nous avions eu l'occasion, sur des sujets très difficiles, dont certains étaient de nature scientifique, sur le travail sur les cellules souches, sur l'utilisation des nouveaux outils d'utilisation du génome, de modification du génome. On avait eu l'occasion à la fois d'avoir des débats en région, avec les espaces éthiques régionaux, avec d'écouter à la fois les scientifiques, mais aussi les associations de patients. Et j'avais été frappé, à ce moment-là, j'avais été même troublé, par le fait que commençait à s'installer une forme de questionnement des citoyens vis-à-vis de la médecine et de la science. Alors, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis longtemps, en particulier vis-à-vis des médecins, où la relation entre médecins et patients se juge sur d'autres critères, entre guillemets, mais qui, en France, repose sur un statut assez solide, qui est celui de la confiance. Et finalement, fondamentalement, au cours de la crise, ce qu'on a envie de construire, c'est de la confiance. Mmh. Et elle n'a pas été suffisamment, probablement, à certains moments, construite. Encore qu'il y ait d'autres moments où elle se tient assez bien. Donc, ce phénomène général de relation et de la place de la science par rapport aux citoyens est un phénomène qui était avant le Covid. Le deuxième élément, c'est que, bien sûr, c'est facile de refaire l'histoire 18 mois plus tard, mais on a été dans une grande période d'incertitude. C'est pour ça que j'insistais sur le mot d'humilité, y compris au niveau des scientifiques. Vous l'insistez au niveau des politiques, madame, mais moi je l'insiste au niveau des scientifiques eux-mêmes, où en effet il faut faire extrêmement attention parce qu'on fait deux pas en avant, un pas en arrière. On peut se tromper, ou on peut dire on ne sait pas, mais là aussi c'est une démarche un peu nouvelle pour les scientifiques et les médecins, mais qui m'apparaît pleinement juste, hein, et qui fait partie, à mes yeux, de ce qui a été évoqué, c'est-à-dire des aspects de démocratie en santé, ou si on ne veut pas employer ce terme-là, employons le mot anglo-saxon, de social participation, et qui est ce triangle de construction sur les grands aspects autour de la santé, entre le citoyen lui-même, ou le futur consommateur, ou le patient, le scientifique et le médecin, et puis la décision politique. Et alors, c'est là où je suis pas à l'aise, hein, c'est que dans cette crise, ça n'a pas été suffisamment mis en avant. Hein. Le Conseil scientifique a réclamé la constitution d'un comité citoyen national, etc., finalement, qui n'a pas été décidé par le politique. Cela dit, il s'est monté beaucoup de choses très intéressantes. On est en train de faire le bilan. Il y a eu des choses, par exemple, sur des mélanges de conseils scientifiques et de comités citoyens. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Rennes, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Paris. On est en train de faire le bilan de tout ça. Il y a une richesse foisonnante finalement, qui est peut-être plus importante, à mes yeux, que ce qui aurait pu être monté au niveau central. Donc, voilà, là aussi, tout n'est pas blanc ou pas noir. Et je partage, et pour terminer, je partage l'analyse qui est l'essentiel est de considérer nos concitoyens dans un climat de confiance et qui comprennent beaucoup mieux qu'on ne veut bien le croire, y compris des idées complexes et qui sont capables de se faire leur idée. Et donc, c'est là où l'information est fondamentale. La confiance à l'égard de la science, elle existe, comme l'a montré notamment le sondage qui a été réalisé dans le cadre du festival et maintenant auprès de plus de 50 000 personnes. En revanche, la défiance à l'égard du politique, elle est plus forcément à démontrer au cours de ces dernières décennies. Et le problème dans cette pandémie, c'est que les politiques se sont retrouvés à devoir employer un discours scientifique, un langage scientifique qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas eux-mêmes, mais pour organiser la société. Barbara Stiegler, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est que le discours politique s'est teinté d'un discours scientifique? Et est-ce que ça peut faire courir un risque au savoir scientifique, le fait qu'il soit récupéré entre gros guillemets par les politiques? Je vais continuer à me faire des amis. Les politiques depuis... On va y aller à la louche. Depuis 20 ans, ont méticuleusement, sans forcément en avoir conscience, détruit le système hospitalier français. Parallèlement, le système éducatif, le monde de la recherche, l'université, santé, recherche, éducation, le sous-titre de mon tract. Ça fait 20 ans que méticuleusement, gouvernement après gouvernement, alternance après alternance, ils mènent exactement la même politique qui conduit à la situation actuelle. Catastrophique, on est au bord d'un effondrement du système hospitalier en France à l'heure actuelle. Je travaille avec des gens qui sont aux urgences, ils n'ont jamais vu une situation pareille, c'est absolument effarant ce qui se passe. Et on ne peut plus le mettre sur le compte du Covid, on ne peut plus le mettre sur le compte du relâchement des Français ou de je ne sais quel coupable imaginaire, c'est le système qui est en train de s'effondrer. Or, les politiques, au lieu de reconnaître leurs torts et de les faire partager à leurs concurrents aux élections, se sont immédiatement retournés contre nous et ont effectivement instrumentalisé des éléments du discours scientifique pour nous infliger toute une série d'obligations, d'impératifs, assortis d'amendes, de répressions. Enfin, on est quand même dans une politique prétendument sanitaire extrêmement répressive. Il y a des gens qui ont payé des amendes, il y a des gens qui ont été convoqués au commissariat, il y a des gens qui perdent tous leurs droits et certains qui sont des droits fondamentaux à l'éducation, à l'épanouissement, à la vie sociale. Vous voyez, on vit quelque chose qui est proprement hallucinant et dont les résultats sanitaires sont mauvais. Donc, ils auraient pu être pires. Ah, alors oui, on peut toujours faire du contrefactuel, du comme si, du si peut-être. Oui, on peut toujours imaginer l'hypothèse que si on n'avait pas mis exactement les choses de cette manière, il y aurait eu 1 million de morts, 10 millions, 500 000, je ne sais pas. Ce que je vois juste, c'est que pour l'instant, on est dans une très très mauvaise passe. Et ce passe prétendument sanitaire, pour moi, je fais partie des gens qui ont lutté contre, y compris dans la rue. J'ai manifesté contre cette disposition. Ça fracture le pays, ça a fracturé des couples, des familles, ça crée un climat politique, social et moral absolument détestable, alors même qu'on est dans une période électorale, que l'extrême droite n'a jamais été aussi élevée dans notre pays, et on abandonne justement aux chaînes d'extrême droite, aux candidats d'extrême droite, une partie d'entre eux, tout le discours de tout ce qu'on refoule par ailleurs sur les effets secondaires, sur les inquiétudes, sur tous les problèmes, le confinement, etc. Vous voyez, les masques, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment grave. Je voudrais quand même vous répondre sur la question de la transmission, parce que vous m'avez dit très justement que je ne vous avais pas bien répondu, et je déteste ne pas répondre à mes interlocuteurs, je trouve ça très impoli. Donc, je vais tenter de vous répondre. La question de la transmission, j'ai essayé de l'esquisser. C'est quand on transmet l'appétit pour la science et le respect pour la science, quand on respecte la science dans un pays. Quand elle n'est plus respectée, forcément, c'est pas bon. Maintenant, sur la transmission du savoir scientifique, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, mais la question de la crise sanitaire dans les milieux scientifiques, dans les milieux d'enseignement et à l'université est devenue un sujet tabou. Personne n'ose plus en parler. Comment ça? Eh bien, tout simplement, par exemple, parler des vaccins, ça n'est pas possible. On ne peut pas parler dans un cours d'université de la question des vaccins. Ces sujets sont devenus tellement inflammables. Il y a eu tellement de conflits, de polémiques, c'est tellement douloureux qu'en réalité, il n'est pas possible d'en parler. Moi, je me suis essayée à en parler en faculté de médecine, à Bordeaux, une faculté de médecine que j'aime beaucoup, dans laquelle je me sens très bien. J'ai eu un rappel à l'ordre d'un collègue. Hors de question de parler de la vaccination devant les étudiants en médecine. Ah bon, lui répondis-je, pourquoi ? Parce que ça va alimenter leur défiance. Et là, ils sont soumis à l'obligation vaccinale, ils sont très mécontents et on a très peur qu'il y en ait plein qui quittent la fac de médecine. Voilà où on en est. Si vous voulez, comment voulez-vous transmettre le respect de la rationalité et le goût de la science quand on en est là, quand on est dans une telle ambiance d'omerta ? Jean-François Delfrécy. Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis vraiment désolé, je ne souhaite pas rentrer dans la polémique. Ce n'est ni mon rôle, ni ma façon de penser. On peut discuter, mais, ceci dit. Non, mais vraiment, laisser dire qu'on ne peut pas parler de la vaccination. Le conseil scientifique a une vision très globale dont la vaccination est un des éléments. Il y a d'autres outils. Il y a d'autres éléments qui sont sur la table. Mais je fais X topos de discussions dans des milieux divers et variés, à la fois dans le milieu universitaire, dans le milieu des hospitaliers, dans le milieu des soignants sociaux. Enfin, je veux dire, la discussion, elle est sur la table en permanence. Vous l'avez en permanence, dire qu'on n'est pas en France dans une démocratie qui permet de discuter. Écoutez, moi, c'est même pas le président du conseil scientifique qui veut répondre. C'est Jean-François Delfrécy. Enfin, vous êtes à côté de vos pompes. Hein. Vous êtes totalement à côté de vos pompes. Hein. On est dans une belle démocratie sur laquelle on peut s'exprimer et on peut parfaitement s'exprimer sur ces sujets. Hein. Alors, écoutez, sur la qualification, je ne reprendrai pas la manière dont vous vous exprimez parce que c'est pas le sujet, c'est pas la peine. Il est inutile de sortir de vos gonds, il n'y a pas de problème. Écoutez juste mon témoignage, et je n'arrêterai pas, j'ai des choses à dire, je n'arrêterai pas. Il est très compliqué de parler de la vaccination. Alors si vous voulez, vous me permettez de mieux préciser ce que j'avais à dire, j'ai peut-être effectivement manqué de précision. On parle tout le temps de la vaccination dans ce pays. On parle de la vaccination à la fac de médecine, on parle de la vaccination dans le collège de mes enfants, on parle de la vaccination à l'école primaire, on en parle dans la rue, tout le monde en parle. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a un discours autorisé, qui est toujours le même. Par exemple, au collège, ça donne, en éducation civique, ou je ne sais plus... Alors, les enfants, nous allons faire un débat, donc voilà. Et à la fin, donc c'est toujours la même conclusion, tout le monde doit se vacciner, c'est merveilleux, les effets secondaires, c'est pas vrai, il ne faut pas regarder les réseaux sociaux, ils racontent n'importe quoi... Et on en a fini. Je vais vous dire les choses autrement. Les effets secondaires, parlons-en. Il y a des millions de femmes en France et dans tous les pays du monde qui s'essayent à ces nouveaux vaccins, qui subissent des perturbations très perturbantes de leur cycle menstruel. Tout le monde en parle. Vous avez raison, tout le monde en parle. Sauf que on en parle, si vous voulez, entre amis, entre gens, comme ça. Mais ce n'est pas un sujet, si vous voulez. Donc, ça apparaît, si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir des petits articles. Par exemple, le magazine féminin, qui est d'ailleurs partenaire, j'ai vu, de ce festival, Mademoiselle, a fait 2-3 pages là-dessus, hein, pour expliquer qu'il y avait un véritable problème. Mais ça n'est pas instruit, ça n'est pas raconté. Donc, on parle de ces problèmes dans la cour d'école de mes enfants. On en parle dans certains magazines féminins. Mais si vous voulez, ça n'est pas un sujet qui est affronté. Et ça crée un manque de transparence. Parce que quand vous avez des millions de femmes... Alors, ce sujet a été abordé, par exemple, sur l'Agence nationale de recherche qui traite et qui est avec le suivi de grandes cohortes vaccinales. Le professeur Micheline Misrahi, qui est une endocrinologue reconnue, a travaillé sur le sujet et a publié là-dessus. Elle a été invitée à faire plusieurs exposés. Enfin, je veux dire, on en parle, c'est ça où je... Je voudrais juste peut-être qu'on reprenne un petit peu le fil de notre discussion. Je m'attendais pas forcément à devoir animer un débat pro ou anti-vax, mais malheureusement, c'est pas ce forcément. Ce n'est absolument pas le cas. Question. J'aimerais c'est pas vraiment cas. Pas qu'on entende dans cette caricature, parce que là, je vais, moi, à mon tour, non, me non, fâcher. Mais en tout cas, de parler de la stratégie vaccinale, etc. Ni pro, ni anti, j'espère que c'est le cas de personne. Non. L'émission, par contre, était centrée et devait se centrer sur la transmission du savoir scientifique, sa production, sa communication. C'est bien le sujet. Caroline Tourbe, voilà, cette discussion, elle est d'une certaine façon assez représentative de la situation dans laquelle on est, qui n'est pas forcément une situation mauvaise. On discute, on débat, c'est important. Comment vous situez là-dedans? Parce que typiquement le sujet du vaccin, qui est un sujet, un domaine que je traite depuis très longtemps, C'est un sujet complexe, et complexe scientifiquement. Or, il est perçu souvent par le grand public et par le monde politique, d'une façon générale, comme un sujet simple. Souvent, un vaccin, on considère que c'est quelque chose qui protège contre la maladie et protège, par exemple, contre l'infection. C'est une idée reçue, c'est une sorte de potion magique. C'est un peu l'idée qu'on peut en avoir. Dès qu'on descend un peu dans les niveaux de complexité, on s'aperçoit que parmi les vaccins que nous avons, que nous recevons tous, comme nous sommes petits ou adolescents ou plus tard, eh bien, il y a différents types de vaccins. Certains vaccins sont très efficaces pour vous protéger contre la maladie, contre l'infection, très efficaces pour vous protéger contre la maladie. D'autres, c'est contre la maladie, mais pas tellement contre l'infection. Bref, c'est les vaccins qui sont, d'une façon générale, qu'on peut vulgariser en disant que ce sont donc des produits qui vous permettent de vous protéger contre une infection. En fait, ce n'est pas toujours le même niveau de protection. Quand les vaccins ARN sont arrivés, les essais médicaux tels qu'ils avaient été mis en place par les laboratoires, c'était vraiment pour qu'on puisse vérifier qu'ils protégeaient contre les formes graves. Donc les éléments d'information que l'on avait sur ces vaccins, c'était la protection contre les formes graves. Puis ils ont commencé à être utilisés. On a eu des signaux et a eu un espoir d'avoir une protection complète contre l'infection également. Mais quand vous discutiez avec des gens et quand vous écriviez des papiers, parce qu'on en a écrit beaucoup, et contrairement à ce que vous dites, notamment également sur les effets secondaires. Il y a eu beaucoup de papiers qui ont été écrits sur les effets secondaires, et c'est normal, parce que c'est un sujet d'inquiétude quand un virus comme celui-là vous expose à la maladie et qu'un vaccin aussi nouveau arrive. Enfin, c'est normal, ça fait vraiment partie de la balance de la décision. Donc on fait des papiers sur ça. Et puis donc, ce que je veux dire, c'est qu'au début, on a eu vraiment l'impression pendant quelques semaines ou quelques mois que voilà, on avait vraiment réussi à trouver peut-être le vaccin parfait. On l'a espéré, je veux dire, quand je dis la population, certaines parties des scientifiques, mais dès qu'on leur demandait si on avait des éléments, en fait, ils ne les avaient pas encore. On arrivait justement dans cette partie où on ne sait pas, on ne savait pas. On espérait que ces vaccins nous protégeraient comme un rempart. Et c'est typiquement le vaccin rempart, c'est pour moi l'association de deux mots qu'il faut éviter absolument. Écrire un papier en disant que c'est un rempart, le vaccin, c'est un problème. Parce que les gens vont le croire, vont le prendre au premier degré. Or, c'est plus complexe que ça. Mais la complexité, c'est normal d'y répondre. Et toutes les questions sont bonnes sur les vaccins. Il n'y a pas d'idiotes. Ils doivent tout être abordés. On doit y répondre systématiquement. On en arrive souvent, en fait, à une conclusion qui est, étant donné le niveau d'inconnaissance dans laquelle on est, vaut mieux prendre le risque de se vacciner. Si je devais résumer, ce serait ça. Et en fait, je pense que c'est la réflexion, la nécessité de s'informer qui peut permettre en effet d'arriver jusqu'à cette conclusion-là. Ou pas d'ailleurs, on n'est pas dans un système obligatoire, en tout cas pas encore. Jean-François Delfrécy, est-ce que c'est ça le fond du problème ? C'est une forme d'inculture scientifique généralisée qui nécessite une éducation peut-être plus forte, un effort pédagogique à grande échelle pour expliquer la complexité tout simplement de la biologie, du vivant et de comment on lutte contre un virus ? Alors, inculture généralisée, moi je pense qu'il faut faire attention avant de prononcer ces termes, hein, parce que on va se retrouver quand même avec ma voisine sur le fait que les citoyens français sont beaucoup plus intelligents à chaque fois qu'on ne le pense et que le pensent les décideurs, qu'ils soient d'ailleurs scientifiques ou politiques. Faisons-leur confiance, à peu condition qu'on leur donne les informations. Et c'est eux qui pourront juger, en plus, à partir de là, sur, finalement, la stratégie qu'ils envisagent. Hein. Donc, bien sûr qu'il faudrait que probablement la place de la science dans la formation des décideurs, par exemple, n'est pas suffisamment importante par rapport à d'autres pays. Mais soyons quand même prudents et avec, une fois de plus, modestie vis-à-vis de ce que savent ou ne connaissent pas les citoyens. Alors, après, moi, je pense que d'abord, ces débats autour de la vaccination, d'abord, ce ne sont pas que français. Hein. Il n'y a pas de particularité française. On les retrouve également dans d'autres pays. Et c'est normal, d'ailleurs, qu'il y ait une discussion autour de ces enjeux. Et puis le troisième point, vous l'avez très bien souligné, c'est-à-dire c'est l'incertitude scientifique qu'on a eue. Hein. C'est assez miraculeux d'avoir eu les vaccins mRNA. Hein. Moi, je ne pensais pas qu'on aurait un vaccin contre le Covid en 7 mois. Vous voyez qu'on met 18 mois ou 20 mois pour avoir les premiers antiviraux qui ont une certaine efficacité. On a eu les vaccins beaucoup plus vite que prévu, avec cette nouvelle technique qui était en fait issue de recherches très fondamentales qui était en amont. Donc, prenons-le comme quelque chose de positif. Et inversement, il y a eu cette incertitude et cette discussion qui est très difficile à faire passer pour les citoyens, pour les journalistes, vous l'avez parfaitement compris, vous, et également pour les médecins eux-mêmes. C'est-à-dire comment un vaccin peut-il avoir une efficacité relativement limitée sur la transmission, ce qui est le cas de ces vaccins finalement, et sur l'infectiosité, et peut-il avoir une certaine forme d'efficacité qui a l'air de se maintenir, qui part un peu avec le temps, d'où l'intérêt d'une dose de rappel, sur le risque d'aller vers une forme sévère et une forme grave. Donc c'est ces notions-là qu'on a appris en marchant. Et évidemment, ça crée à certains moments un peu de discussion, parfois même de confusion. Mais je pense qu'on est maintenant arrivé, on sait ce que peuvent faire ces vaccins, on sait ce qu'ils ne peuvent pas faire. On a mis en place l'ensemble des réseaux de surveillance. Jamais les vaccins n'ont été aussi surveillés en termes d'effets secondaires. Hein. Véritablement. Hein. Il y a une surveillance qui est très importante autour des effets secondaires de ces vaccins. Et puis, c'est un des éléments, et bien sûr que ce n'est pas le seul élément. C'est là aussi je voudrais terminer là-dessus. La sortie et la lutte contre la cinquième vague, c'est pas seulement la vaccination. Il faut pas tout miser sur la vaccination. Loin de là. Et le message autour de la vaccination, il est important, mais il est absolument pas suffisant. L'ensemble des mesures barrières, des gestes barrières, de la vision sociétale vis-à-vis de ce virus est un élément qui est à mes yeux aussi important. Faut que les choses soient bien claires. Il y a cette balance entre des mesures de santé publique et avec une visée individuelle et collective, et puis de l'autre côté, un outil qui apporte un certain nombre de choses, mais qui n'apporte pas tout, qui est le vaccin. Nous approchons du terme à petits pas de cette discussion et nous avons décidé en amont de ce festival et maintenant de demander à nos auditrices et nos auditeurs ce qui, depuis le début de la pandémie, avait pu changer dans leur rapport au savoir scientifique et à l'information scientifique. Et nous avons reçu votre réponse. Mathieu Charbonneau, bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous travaillez dans l'industrie aéroportuaire et j'aimerais vous poser une question d'emblée, c'est est-ce que vous vous intéressiez à la science avant le début de la pandémie et qu'est-ce que ce moment-là a changé dans votre rapport au savoir scientifique ? Moi, je m'y intéressais déjà avant, mais c'était plus une sorte de hobby. Enfin, je sais pas, j'écoutais la méthode scientifique au travail pendant mes heures de travail. Mais après, là, ouais, pendant la pandémie, ça m'a touché personnellement. Et du coup, il y a beaucoup de mes collègues, par exemple, ce que je disais, mais beaucoup de mes collègues qui sont vaccinés, soit à cause du, ou grâce au pass sanitaire, mais aussi pour des mauvaises raisons, je trouvais. Mais ça m'a forcé à faire un travail, limite un travail, parce que je m'accordais du temps pour lire les textes qui me donnaient. Et pour y trouver des réponses, et c'est vraiment un travail. Et là, personnellement, je commence à être beaucoup fatigué de devoir trouver des choses, parce que pareil, je ne suis pas formé, je ne sais pas comment... C'est-à-dire que vous êtes retrouvé à devoir faire de la pédagogie auprès de votre famille, auprès de votre entourage, voilà, finalement, ouais, qui vous apportait des informations qui n'étaient pas forcément fiables, c'est ça ? Je ne savais pas, enfin, je suis obligé de les lire, du coup, et de faire un travail de recherche avec mes moyens, quoi. Mais du coup, vu que je ne suis pas journaliste, j'ai peu de temps disponible pour ça. Mais en même temps, c'était important pour moi aussi d'essayer de trouver des réponses. Parce que même pour moi aussi, il y a des questionnements qui se posent. Puisque du coup, ça me touche personnellement. Et, je me suis vacciné et tout. Donc j'ai fait des recherches avant de le faire, de savoir ce qui était bien ou pas pour moi et pour mon entourage. Et quand vous parliez de fatigue, ça, c'est lié à quoi cette fatigue ? C'est juste l'impression de devoir lutter contre des moulins à vent ou... Ouais, voilà. Puis là, maintenant, avec l'arrivée de la troisième dose et du nouveau variant, après ça, c'est vrai que j'étais il y avait une forme de soulagement avec l'arrivée de l'été. On se disait ça y est, ça va commencer à avancer. Et là, ça revient. Et du coup, je sens que là, j'aurais pas l'énergie de recommencer à convaincre les gens, quoi. Ça va être. On va essayer de le faire, ouais. de le faire pour vous, en tout cas de vous épauler dans éventuellement ce travail de pédagogie au quotidien auprès de vos proches. Barbara Stiegler, comment vous interprétez vous ce travail qui est fait par Mathieu Charbonneau auprès de ses proches et du sentiment de fatigue et d'une certaine façon de solitude dans ce travail-là qu'il réalise. Oui, je comprends très bien ce témoignage. J'ai beaucoup de gens autour de moi, moi-même en un sens. J'ai fourni un travail en plus du reste de mon travail sur mes heures supplémentaires. Nous sommes épuisés parce que nous ne nous sentons pas du tout en confiance, pas rassurés par ce qu'on entend. Il y a des incohérences. Quand on vous dit « ce vaccin finalement n'a pas rempli ses promesses », comme rempart ou comme sanctuaire, créant, voilà, comme rempart contre la contamination et l'infection, ce que vous disiez très justement, qu'il reste extrêmement rassurant sur la lutte contre les formes graves. Quand on vous dit aussi que cette pandémie touche essentiellement des personnes à risque qu'on connaît maintenant, alors à ce moment-là, ce vaccin, il doit être délivré à ces gens à risque et pas à des gens qui n'ont aucun risque d'avoir des formes graves de cette maladie. Quel sens, enfin, quelle mouche a piqué Emmanuel Macron de mettre la troisième dose dans le pass sanitaire pour les plus de 18 ans? Mais ça n'a aucun sens. Quand vous écoutez tous les éléments rationnels qui vous ont été délivrés par les différentes personnes de cette table ronde, la conclusion de cette décision, que je n'ai toujours pas pu encaisser, parce que je ne comprends toujours pas la rationalité de cette décision, à quoi sert-il de vacciner un jeune homme de 20 ans aujourd'hui s'il n'a aucun risque d'avoir le Covid, s'il n'a pas d'obésité morbide, s'il n'a pas de diabète de type 2? À quoi ça sert? À part lui donner l'impression qu'il peut reprendre une vie normale et lui donner un faux sentiment de sécurité qui va faire qu'il va contaminer d'autres gens. Ça ne sert strictement à rien. Donc ces doses doivent être réservées aux personnes à risque. Tout le travail et l'énergie doit être non pas dépensé à convaincre les jeunes de prendre une troisième, puis une quatrième, puis une centième dose, mais à s'occuper des gens qui sont à risque par rapport à cette maladie. Et comme le dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette troisième dose, elle doit être réservée à ceux qui en ont besoin. Le président de la République en France, mais d'autres le font, transgresse absolument une recommandation de l'OMS dans l'indifférence générale. Je suis désolée, je trouve que c'est une insulte à la rationalité des citoyens français et c'est un manque de respect. Je suis désolée, je mets un peu le ton, mais oui, parce qu'il y a un moment où on est effectivement fatigué. On est fatigué de sans cesse devoir repartir au front pour combattre des mesures qui n'ont aucun sens. On arrive déjà au terme de cette discussion qu'on aurait aimé pouvoir continuer tous ensemble pour parler de l'avenir et du futur. Merci beaucoup à tous les trois, Barbara Stiegler, Caroline Tourbe, Jean-François Delfrécy, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à la réalisation aujourd'hui Olivier Bétard, à la technique Romain Lenoir, Olivier Leroux, Mathieu Leroy. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous réécouter sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.